Are you ready? Let's go! Rail Suprême. 2 heures. DJ Case d'ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Are you ready? Bienvenue, c'est dimanche soir et tous les dimanches soirs à minuit, c'est Rail Suprême. Comme chaque dimanche, entre minuit et 2h, 2h de son. Rail mixé par DJ Kay. Salut Kay. Yeah, salut, comment tu vas Mehdi? Ça va et toi? Ah bah ça change de Fred là encore. Bah, ouais, alors c'est une première pour c'est moi Rail Suprême. Fin d'année Fred. Il... hein et il prépare les cadeaux, c'est pour c'est ça. C'est que les magasins ils sont ouverts le dimanche. Hein. Enfin à minuit je suis pas sûr, mais bon en tout cas c'est parti pour 2h de son. 2h de son Rail. Qu'est-ce qui va se passer ce soir Kay? Ce soir on a un invité, l'artiste. Qu'on va retrouver tout à l'heure. Ouais, qui a sorti son nouvel album qui cartonne et on le reçoit tout à l'heure. Ok, avec un petit live qui est prévu. Ah oui, obligé. Un bon live d'ailleurs qui est prévu avec l'artiste. Ce sera avant 2h du mat. Yes. Dans l'émission sur Skyrock. Et puis avant de te retrouver derrière les platines, Case, le hit du Maghreb, comme chaque dimanche, pour démarrer l'émission. Yes. Avec le hashtag Skyrock, le hashtag Rail Suprême. C'est aussi, ça, oui. Et ouais, tweeter avec le hashtag Rail Suprême pour participer à l'émission. Mm-hmm. Nous demander éventuellement des sons et pour réagir à tout ce qui se passe dans l'émission. On attaque donc avec le hit du Maghreb là tout de suite. On donne pas les places, on donne pas les positions, mais on va pouvoir en tout cas vous dire ce que vous allez pouvoir écouter. Zina Daoudia avec DJ Van, Barba Papa prévu, Zouer Bahawi aussi, Saad El Jared et puis Hiha Bamir. Tout ça dans l'émission. Ça. Voilà les serveurs du Maghreb tout à l'heure dans le classement. Et ben c'est parti, c'est maintenant, c'est Rail Suprême. Allez. Skyrock. رصاص الليل تحت دارها جبت الموبيل وباغي نشوف ونسمع ما بلوند مع الراس متلالي الصوت وكيف الليل رصاص الليل تحت دارها جبت الموبيل وباغي نشوف ونسمع ما بلوند مع الراس متلالي الصوت ويا البنية عطيني من وقتك وانا وشوية حن عليا ولا نقولها للموند عايت انتي حتى لالي الصوت يوم حن عليا ويا البنية عطيني من وقتك وانا وشوية حن عليا ولا نقولها للموند عايت انتي حتى لالي الصوت يوم كيف الليل فصاص الليل تحضر شبط الموضيل وباغي نشوف ونسمع ما بلون مع الراس متلالي الصوت كيف الليل فصاص الليل تحضر شبط الموضيل وباغي نشوف ونسمع ما بلون مع الراس متلالي الصوت 22h. Rail Suprême. C'est Rail Suprême sur Skyrock. Numéro 1. حبك يكذب عليك انقهتونا ببغني تبغيك في الاخر تقولوا تحت ما يستاهل ولي ما كتقولوا الحب ماشي سهل في الاخر تقولوا تحت ما يستاهل ولي ما كتقولوا الحب ماشي سهل سليباتي انا سليباتي عايش بخير هاني الله كبير سلباتي أنا سلباتي دابت الله في راسك وفي الوالدين كل شي في الأول كيكون زوين الكلام لحلو القلب لحنين خليني أنا بعيد فضل نبقى وحيد عز راسي والله ما باغي نطير خليني أنا بعيد فضل نبقى وحيد عز راسي والله ما باغي نطير سلباتي أنا سلباتي عايش بخير هاي الله كبير سلباتي أنا سلباتي دابت الله في راسك وفي الوالدين العقل غاب معاك وانا كان استناك وكتاش نكون حداك واللي ليا ليلي بحال النهار باتنا استنى خبر انت تجي وقتي It's driving you crazy, but I gotta get the money for my baby. And you know that I never been lazy. And I wish you were here on my side, but I'm too damn far. Spend a lonely night. Galvin وياك انت ليبيا وصبري معاك طال طال طال طال طال وقلبي دايب فيك Thank you.

j'ai pas parié, parié, fait des dégâts. Tyson crie pour de bombardier. J'vais te casser le dos, pas te marier. Me tiens par la main, ça va parler. J'ai déjà le bal m'en baissé sur le palier. Comme autre tu mets haut, j'suis médaillé. Pas mal dans ce négro, allez, d'aller. La coin t'en fout très très salé. T'as à la, j'vais la faire chale. Regarde qui tu dis, quitte. Cheveux longs comme mon quitte. Si elle me quitte pas, j'la quitte pas. Quitte. Cheveux longs comme Kitan. Si elle me quitte pas, tu quittes, tu quittes. Elle a passé toute la nuit à me flotter. Madame, je suis désolé, lui d'à côté. Je la regarde dans les yeux en sirotant mon cocktail. Elle m'a vu dans le VIP, me prend pour un mec mortel. C'est pas que si elle franque avec moi, je finis Instagram. Prends mon sang pour mon Facebook, comme moi j'ai pas Instagram. Elle veut me parler, me fait la tendre à madame. J'ai rien pour toi, moi je vis toujours dans la gamme. Je plonge dans ses yeux, je m'y noie. Je la regarde, je m'y vois. Je plonge dans ses yeux, je m'y noie. Je m'y vois. Elle a le regard qui tue, tu quittes. Cheveux longs comme quittes. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Tu quittes, tu quittes. Elle a le regard qui tue, tu quittes. Cheveux longs comme quittes. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Tu quittes, tu quittes. Je t'ai vu dans le jeu de mon temps pour te parler. Et je t'ai vu bien accompagné comme moi. T'as posé trop de sentiments. Face à moi, tu m'attends. Pas à pas, je me parle. Fais confiance en moi. Confiance en moi. Pas à pas, tu te dévoiles. Et devant toi, j'ai décidé de ça. Fais confiance en moi. Confiance en moi. Et où vas-tu, ma bella? Où viens-tu, ma bella? Rien ne va plus, ma bella. Je reste planté là. Reste là, y'a danger. Tu t'avances et je suis paré à décoller. Tu veux t'amuser, pour ça j'ai pas le temps. Je t'ai intimidé, je te demande pardon. Pas à pas tu me parles. Et devant toi j'ai baissé les armes. Il faut des confiances en moi. Confiance en moi. Pas à pas tu te dévoiles. Et devant toi j'ai baissé les armes. Il faut des confiances en moi. Avec tous les sons du moment, faut que je fasse rentrer des gros loquis. J'ouvre une bouteille, le bouchon de neige saute. Elle se retrouve dans l'œil du videur. Il se demande si j'ai préparé une sauce. Je t'emmène dans le futur comme dans les visiteurs. Je traîne à côté de ton derche. Je sais que t'es pas ma go, go, go. Me demande pas ce que je cherche. Y'a un Pokémon go, go, go. J'ouvre l'aileron du Panamera. J'éblouis comme un Kamehameha. Elle me fait un striptease intégral. J'décolle comme ma cap canavérale. J't'aurais même si tu fais plaire. Billet vert en plusieurs exemplaires. Mon succès sera ta chute. Qu'une chose à dire, je dis pute. La Gola, c'est peut-être une fille bien. Mais on préfère les tchouins, tchouins, tchouins. La Gola, c'est peut-être une fille bien. Mais on préfère les tchouins, tchouins, tchouins. Elle veut le boutin, boutin, tchouin. Elle veut mon coussin, sain, tchouin. Vrai ou faux, sain, sain, tchouin. Tchouin, tchouin, tchouin. Mon équipe ne change pas, j'ai la soif de vaincre la baraka. C'est pas la chance, mais c'est Dieu qui donne. Ramène-moi un kilo, on en fait une tonne. Sans cesse à la fille du bon blanc. J'ai bâti mon empire à la sueur de mon front. Chaque jour pour moi est un combat. J'ai les cicatrices que le temps n'efface pas. Je vais les fumer, j'arrive rien entendu. Je me les frappe dans la lunette. Champion toute catégorie. Je négocie un choc, je retape les A. Je veux dire, c'est R, bro, c'est la diable. Je donne la zone comme Never. Mengati se soigner de Paname jusqu'à Chouadière. T'as rêvé IP, tu peux pas me louper. Tout est OP comme Never des Never. Une taille, deux tailles, trois tailles, oh blé. Un Mathieu, un champagne, un magnum, oh blé. C'est la suprême, c'est la journée. On a rien que dans le clip et je suis bourré. Si ma go m'appelle, je réponds pas, pas, pas. Ça va noyer le carré, faut que les bourrés. Je mélange vodka, tequila. Ça m'a rangé, moi j'ai mis là. Elle est même bon, si j'ai pas bien. Je vais y aller pour fond comme un villa. Viens chérie, elle a joué sur la plata. Car elle veut, il pète des restas. Elle est pétée, elle veut se frotter. Ça va dégainer les matures et les belles. Ou madame Cognac, elle veut diabla. Oui, je fais mal à si t'es debout. Donne ton feu, je m'artiste, moi je crois. Je t'amène en chale. Lourd dans le game, un peu comme Muggy. Malakini, baillé, poto, pépa, bongi. Et ça peut, impoli. C'était dans le monde, dans le bolide. Allez, tout le monde. Chopé comme neve de neve dans le carré. 20 bouteilles sur la table, je vais encore finir bourré. Allez, Yamato, minuit, 2h, Rail Suprême. C'est Rail Suprême sur Skyrock. Équipé comme jamais, les 10 mètres sont charmés. On va tourner de King jusqu'à la Côte d'Azur. Passe avant minuit. Passe avant minuit. Je vais te faire vivre un dream. Avance sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, les amis qui brillent. Bien vu dans la terre du milieu. On est sapé comme jamais. Les sœurs qui remposent pour un demi-lieu. Normal que l'on cache la démarre. Où sont ces photos que j'ai démarre. Je suis sur la piste pour leur laisser des tumeurs. Au trou du poignet, j'ai le salaire à Neymar. Dans mes gros coups, je vois l'avenir. Le meilleur reste à venir. Allô, du gras, du craca. Imaginez ce qu'un craca. Ah ouais, mani, craca. Maître d'une, c'est craca. C'est lui et moi, et ce son c'est fait pour vous. Ah, TikTok, non. C'est pas grave. T'as mis les choses sur propos, mais sans chaussettes, hein. Ça c'est grave, ça, c'est grave. Ada si khizman, ada si khizman, ada si khizman. ne wili wili waoujouk aliya wesh hada nari nari warqouk aliya wesh hada lfraq saib w rbta tghbiya li li bouya wesh kouli bla wili wili waoujouk aliya wesh hada nari nari warqouk aliya wesh hada lfraq saib w rbta tghbiya Allez, bonne soirée à l'écoute de Skyrock avec Rai Supreme tous les dimanches, minuit, 2h pour vous accompagner. Et en vacances aussi, hein. D'habitude, il y en a plein qui sont obligés d'aller se coucher parce que le lendemain, il y a cours. C'est ça. Là, c'est pas le cas, c'est les vacances, vacances de Noël. Donc, profitez de Rai Supreme jusqu'à 2h du mat, 2h mixé, 2h de son mixé avec DJ Kaze en forme ouais, encore. Ouais, ouais. Ce soir, comme d'hab. Ouais, on vient de se faire une bonne petite session là, de première partie. Et là, bon, comme prévu, on vous avait dit, l'artiste était là parmi nous, donc il est là. Ah bah voilà, c'est une bonne nouvelle ça. Voilà, dimanche soir, à n'importe quelle heure, il est là. Il pas de problème. L'artiste dans les studios de Skyrock, salut l'artiste. Salut Mehdi, salut DJ Kaze. Yeah, avec les chichas, il y a tout là. Ah bon, mais maintenant c'est devenu chez toi l'artiste après la semaine de Planète Rap, t'es là le week-end. Ah, franchement, très bonne semaine avec Fred et bah, toujours content d'être là. Et puis ton album hein, qui cartonne, qui est sorti, on rappelle, on l'a découvert aussi dans Planète Rap la semaine dernière. Du live, l'artiste prévu à ce qui paraît là, c'est pourquoi t'es là? Bah, on va essayer d'ambiancer ça avec mon gars DJ Kaze. Yes, bah en fait, si tu veux, longtemps, on se connaît depuis très longtemps, il y a une histoire sur ces albums. Est-ce que tu les connais depuis plus longtemps que moi? Parce qu'on a une histoire en commun avec DJ Kaze quand même. Ça, je sais pas. Et on était dans le même lycée en fait. Dans la même ville. Ok, non. Je pense que lycée, je pense pas. Non. Dédicace au 2-8, dédicace à Dreux. C'est ça, à Dreux, voilà. Donc t'es venu après l'artiste, t'es venu après moi. Exact. Voilà, il est venu après, on a suivi, on se connaît depuis longtemps. Et à chaque album. Combien de temps ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on se connaît. Mm-hmm. Et à chaque album, il vient, il fait sa promo sur, à la radio, sur tous les Rails Suprêmes. Il a toujours été là depuis le début et il est toujours là. Donc voilà. Mais on aurait pu se connaître plus tôt, hein. J'ai de la famille à Dreux, dédicace à. Pourquoi t'es jaloux là? Bon bah super, ça fait plaisir de t'avoir l'artiste là. Ah, ça me fait plaisir. En aussi. Live dans un Suprême avec ton poteau DJ Kaze. Yes. Donc live hein, dans un instant sur Skyrock. On va en faire péter c'est ça. Parti. Ok, c'est avant 1h du mat, reste avec nous, c'est Rail Suprême tous les dimanches, minuit 2h. C'est cette année, le Morning de Difool t'a offert plus d'un million d'euros de cadeaux. Ah, vous êtes sérieux? Mais oui. Oh, des iPhones, des PS4, des casques VR, une voiture, des drones, des places de concert, des écrans plats, des places de foot, des maillots, des voyages au soleil des jeux vidéo, des voyages à la neige. Alors toi aussi, viens en profiter avec le Morning de Difool sur Skyrock. Appel à toutes les unités. Collision entre deux véhicules sur la D42 à proximité de la discothèque. Il y aurait deux victimes décédées, âge 20-25 ans. Le passager arrière présente une lésion du rachis cervical et fracture ouverte au fémur. Ici unité mobile médicale hospitalière 04. On prend le départ. Tous les deux jours, un jeune entre 18 et 24 ans se tue sur la route à cause de l'alcool. Un accident mortel sur deux a lieu la nuit. Sécurité routière, tous responsables. Non mais moi quand je vais sur Yax, je me tape des barres, je rigole trop franchement. Moi sur Yax, ce que j'aime, c'est le côté anonyme, on peut dire ce qu'on veut quoi. Moi ce qui me plaît avec Yax, c'est que je peux voir tout ce qui se dit dans mon bahut. Moi ce que je kiffe, c'est de pouvoir parler, de rencontrer de nouvelles personnes. En fait, ce qui est bien avec Yax, c'est que tu fais ce que tu veux. Yax, YAX. Télécharge l'appli, elle est gratuite. Il fait partie de la relève du rap français. Il m'a pas dit bonjour. Et crée souvent la surprise. Vous avez demandé le refrain. Ne quittez pas. Et on fait des selfies. Vald, le rappeur barré du 9-3, revient dans l'émission rap numéro 1 en France. Ça, c'est bien LD, ça, gros. J'ai le regard dans le vide comme Joe et Budden. Comme je m'enrichis, je prends de la Budden. Tous les soirs de 20h à 21h, Vald rappe son nouvel album en exclu sur Skyrock. Planète Rap. Il m'a pas dit bonjour. À suivre sur les réseaux sociaux et en vidéo live sur le site et l'appli Skyrock. Tout se passera comme ça. DJ Kaze, artiste baby. C'est Rail Suprême, c'est sur Skyrock. Bang bang. Allez, DJ Kaze, c'est comment. Tous les dimanches soirs sur Skyrock. Ok. Cambré comme un 2,5. Victoria Secret. Le boudin de Saint-Denis, dans ses lunettes. Quand tu m'envoies des photos, Je zoome sur tes fesses. Je suis avec mes potos. Ramène toutes les tigresses. Fais pas ta Beyoncé. J'ai pas le compte à quart d'heure. Tu vas faire penser. Je ne dure pas qu'un quart d'heure. J'aime quand tu danses la zumba. Genre t'es ça au polo. Mais mon pote y'a rumba. Parce que t'es une choroto. Le ramadan est fini. Tu peux refaire ta folle. Enchaîner les galettes-ci et les bouteilles d'alcool. Je te paye un jean Philippe Lain. Mais ma chérie faut le remplir. Si t'as encore ta Philippe par un euro je veux sortir. Au pire il me reste mes mains et des photos de Rihanna. Quelques rouleaux sont pas là. Je suis à Punta Cana avec DJ Kais. Oliva, Oliva, Jess. Oliva, Oliva, Oliva, Jess. Oliva, Oliva, Oliva, Jess. Ce mec est trop dangereux. Maman dans son soleil, déconnexion. Maman sur ton crâne, je relâche la pression. Bang. Même dans ma chérie, faut pas te cacher. Ton boulet chargé, tout comme ton passé. Tu n'es pas la seule, non, faut pas te fâcher. T'es fan de moi, mais tu vas te lasser. Fatigué de chercher la bonne, ce que j'ai pas chez l'une, je l'ai chez l'autre. Elle ne veut que le sexe et la somme. Si l'amour est mort, c'est pas de ma faute. Elle aime collectionner les hommes. Trois numéros de téléphone. Allô chérie, rien que ça sonne. Cyclone en fait quand elle est dans la zone. Ça fait polygame, polygame. Melso, c'est femme là quand t'as besoin d'elle. Fatima là. Karima. DJ Kai. Oh, hey. Prends-moi dans tes bras, je n'ai plus personne. Ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps si tu m'abandonnes. Je suis pas celle que tu crois. Aucun cabron ne m'a touché. À part toi, caballero. Non, personne ne m'a touché. Bien, j'ai les épaules solides. Un peu de réconfort. Je lui parle et j'apprends à quel point elle a souffert. C'est une enfant de la guerre qui cache ses sentiments des milliers de pieds sous terre. La cocaïna a pris sa famille. C'est une clandestine, ami, ami. Elle m'a dit aime-moi, prends-moi dans tes bras, je n'ai plus personne. Ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps si tu m'abandonnes. Je suis pas celle que tu crois. Aucun cabron ne m'a touché. À part toi, caballero. Non, personne ne m'a touché. J'aurais pu Il te dira à quel point elle est sexy. Mais pas cette fois, non, pas celle-ci. Je l'ai voulu pour moi, j'avoue j'ai faibli. C'était son histoire ou sûrement le whisky. Et j'ai vu ses paroles. Quand elle m'a parlé d'eux, j'ai vu ses parents, ah, j'ai vu ses paroles. Elle et son frère étaient heureux, tellement heureux. Un jour le feu a pris leurs âmes, parce que d'autres l'ont décidé. Pour que des gringos tapent dans la cam, on sacrifie des destinées. Elle m'a dit aime-moi, prends-moi dans tes bras, je n'ai plus personne. DJ Kass. Ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps, si tu m'abandonnes. Je suis pas celle que tu crois. Aucun cabron ne m'a touché, à part toi caballero. Non, personne ne m'a touché. Je n'ai plus personne. Ne laisse pas ton odeur. Si tu m'abandonnes, aime-moi, aime-moi. Je n'ai plus personne. Ne laisse pas ton odeur. Si tu m'abandonnes, si tu m'abandonnes, yeah. Si tu m'abandonnes. Elle m'a dit aime-moi, prends-moi dans tes bras, je n'ai plus personne. Ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps. Si tu m'abandonnes, je suis pas celle que tu crois. Aucun cabron ne m'a touché, à part toi caballero. Non, personne ne m'a touché. À tous les amoureux du Maghreb. C'est l'artiste baby. C'est dans le plan de Sino la famille. Fouillez les dinou les dhoumas. Fouillez les dinou les dhoumas. Et moi. Fouillez ma chérie même ton fou là. Et moi. Rejouez même le bessou là. Et moi. Qu'est-ce que j'irai le faire. عشنا في كرشي الغولة يما سبيت المعلمة حشاكم وتصرى في الصبورة يما خويا الأقار سرحة سرحة مش كان باكي صاب البولة يما حلمت الفوز في الطنبولة يما باك سكوتر كوكاكولا يما حلمت الفوز البطولة يما مش كولي فش لنا الكورة Y'a plus de vrais frères, j'ai appelé un rayon à la matière, j'ai de l'expérience avec les crédères, j'ai toujours su faire parler les vipères, mais bon y'a air tant qu'il faut s'y faire. Oui, faites mettre le passé, c'est le passé, le passé, c'est le passé, le passé, c'est le passé, le passé. C'est oublié, tant que je cartonne, que j'ai tout oublié. Mais je vais marcher sur vos têtes si vous recommencez. Va voir ailleurs, j'y suis pas, j'arrive plus à penser. Ils veulent te voir ensemble et ils viennent t'encenser. Ça risque de mal tourner si je me sens enfoncé. Oui, faites mettre le passé, c'est le passé. Le passé, c'est le passé. Le passé, c'est le passé. Le passé, oui, faites mettre le passé, c'est le passé. Le passé, c'est le passé. Le passé, c'est le passé. Le passé, oui, Maroc, Algérie, Tunisie, Italie, Portugal, l'artiste baby. Dédicace à tous les gens de la Méditerranée, le soleil, dédicace à Ice Supreme. Oh,

appartient au ATP. Rendre au ATP, rendre au ATP. Ou rendre au ATP ce qui appartient au ATP. C'est la cérémonie, les des Oscars. Viens d'été là-bas, découvrons des constats. Désolé mais ce soir, on est tous en mode ça. Mesdames et messieurs, ce soir, appelez-moi les Oscars. C'est moi qui pose, je vous en prie. Donc l'eau de mer. Je suis pirate, donc l'eau de mer. Je suis pirate, donc l'eau de mer. Je peux te montrer les crocs. C'est pas le quartier qui me quitte. C'est moi qui te quartier. J'ai maillé, maillé, maillé déjà. J'ai pas baillé, baillé, fait des dégâts. T'as un cribord de bombardier. Je vais te casser le dos, pas te marier. Me tiens par la main, ça va parler. J'ai déjà le ballon blessé sur le palier. Comme Audrey, tu mets au chien médaillé. Pas mon lance, négro, allez, d'aller. La cointe a fui très très salée. Ta halla, j'vais la faire chialer.

chicha man si signa. Ouai ouai ouai bouge ton corps. Chemise ouverte relax en or. C'est la vie la vie la vie. Dans le club, dans le bloc, on s'adapte à l'époque.

ليا عطيني من وقتك وانا وشوية حنا عليا ولا نقولها للموند عيطت انتي حتى انا ليا الصوت يوم حنا عليا ويا الدنيا عطيني من وقتك وانا وشوية حنا عليا ولا نقولها للموند عيطت انتي حتى انا ليا الصوت يوم كيف الليل قصاص الليل تحضر تشبط الموضيل باغي نشوف ونسمع ما بلون اما على راس بنت انا ليا الصوت كيف الليل قصاص الليل تحضر موبيل وباغي نشوف ونسمع ما بلون اما على راس بنت انا ليا الصوت تحت ما يستاهل ولي ما كتقولوا الحب ماشي سهل في الاخر تقولوا تحت ما يستاهل ولي ما كتقولوا الحب ماشي سهل سليباتي انا سليباتي عايش بخير هاني الله كبير سليباتي انا سليباتي دابت الله في راسك وفلوه القلب لحنين خليني انا بعيد فضل نبقى وحيد عزازي والله ما باغي نطير خليني انا بعيد فضل نبقى وحيد عزازي والله ما باغي نطير انا سليباتي عايش بخير هاي الله كبير دابت الله في راسك وفي الوالدين Et ce soir sur Skyrock, comme chaque dimanche d'ailleurs, entre minuit et 2h, on s'est fait plein de sons, un rail mixé par DJ Kays hein, qui est là pour nous ambiancer comme chaque dimanche. Eh ouais. Après la spéciale de D-Fool, minuit et 2h, rail suprême sur Skyrock. DJ Kays vient de se faire là à l'instant les 5 premiers luits du Maghreb. Ouais. Les 5 sons qui cartonnent dans tout le Maghreb. Eh bah ouais, c'est une nouvelle rubrique qu'on fait depuis quelques semaines et ça cartonne, les gens nous redemandent et il y a beaucoup de nouveautés outre Méditerranée. Ça fait qu'on fait péter ça sur rail suprême. Avec la première place qui est signée cette semaine, je crois que ça bouge pas hein, par rapport à la semaine dernière. Ah si, ça bouge. Ça a bougé. Ah oui, ça a bougé par rapport à la semaine dernière. Yahab Amir était numéro 2. Donc voilà, il prend une place par rapport à la semaine dernière. Ouais. Et il devient donc le nouveau numéro 1 du Maghreb. On lui fait un gros big up, un gros coucou. Et qui continue ce qu'il fait parce que c'est vraiment des sons super terribles. Et s'il continue comme ça, il sera classé chaque semaine dans le hit du Maghreb, dans Rail Suprême. On démarre avec le hit, on termine avec le hit. Merci à tous ceux qui ont tweeté avec le hashtag Skyrock, ceux qui étaient présents aussi de l'autre côté de la radio. Kays. Yes. Ouais, en fait, j'ai quelques dates. Donc, t'as retrouvé tes dates. Ah, voilà, ouais. Les dates. Donc, pour tous ceux qui sont en vacances et qui ont envie de s'ambiancer pour les fêtes de Noël, de fin d'année, le jeudi 22 décembre, c'est au XL. Que ça se passe à Paris, à Ivry-sur-Seine. Le vendredi 23 décembre, c'est en Hollande pour nos amis hollandais. C'est au Cobra Club, c'est à Amsterdam. Le samedi 24 décembre, au Régine, rue Ponthieu, c'est à Paris, dans le quartier des Champs-Élysées. Le dimanche 25 décembre, au Select à Paris, porte de Gentilly. Le mercredi 28 décembre, à Marrakech, au Sofitel. Le vendredi 30 décembre, au Choco Club Barcelone et le samedi 31 décembre pour le réveillon de fin d'année, c'est à Nice que ça se passe au Famous Club. Tu voyages toi, Nice, Barcelone, Marrakech, Amsterdam. Ouais, ça bouge beaucoup souvent l'été et la fin d'année. Bon, ça bouge toute l'année réellement, mais là en fin d'année ça bouge plutôt pas mal et ceux qui n'ont pas l'habitude de sortir l'année sortent souvent à cette période là et ben voilà, si vous voulez on va les ambiancer avec DJ Kays, jamais c'est possible. Merci DJ Kays pour cette session Rail Suprême. Merci à vous aussi, ouais. Et puis retour de Rail Suprême sera dimanche prochain comme chaque dimanche à partir de minuit. Ciao Kays, ciao tout le monde, bye bye. Il fait partie de la relève du